Bismillahirrahmanirrahim. La uqasimu biyawmil qiyamah. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Non, je jure par le jour de la résurrection. Wa la uqasimu bin nafsil lawwamah. Mais non, je jure par l'âme qui ne cesse de se blâmer. أَيَحْسَبُ الْإِنسَانُ أَلَّن نَجْمَعَ عِظَامَهُ. L'homme pense-t-il que nous ne réunirons jamais ses os ? بَلَا قَادِرِينَ عَلَىٰ أَن نُسَوِّيَ بَنَانَهُ. Mais si, nous sommes capables de remettre à leur place les extrémités de ses doigts. بَلْ يُرِيدُ الْإِنسَانُ لِيَفْجُرَ أَمَامَهُ. L'homme voudrait plutôt continuer à vivre en libertin. يَسْأَلُ أَيَّانَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ. Il interroge, à quand le jour de la résurrection ? فَإِذَا بَرِقَ الْبَصَرُ. Lorsque la vue sera éblouie. وَخَسَفَ الْقَمَرُ. Et que la lune s'éclipsera. وَجُمِعَ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ. Et que le soleil et la lune seront réunis. يَقُولُ الْإِنسَانُ يَوْمَئِذٍ أَيْنَ الْمَفَرُ. L'homme ce jour-là dira, où fuir ? كَلَّا لَا وَزَرُ. Non, point de refuge. إِلَى رَبِّكَ يَوْمَئِذٍ الْمُسْتَقَرُ. Vers ton Seigneur sera ce jour-là le retour. يُنَبَّأُ الْإِنسَانُ يَوْمَئِذٍ بِمَا قَدَّمَ وَأَخَّرُ. L'homme sera informé ce jour-là de ce qu'il aura avancé et de ce qu'il aura remis à plus tard. بَلِ الْإِنسَانُ عَلَى نَفْسِهِ بَصِيرَةٌ. Mais l'homme sera un témoin perspicace contre lui-même. وَلَوْ أَلْقَى مَعَاذِيرَهُ. Quand même il présenterait ses excuses. لَا تُحَرِّكْ بِهِ لِسَانَكَ لِتَعْجَلَ بِهِ. Ne remue pas ta langue pour hâter sa récitation. إِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَهُ. Son rassemblement dans ton cœur et sa fixation dans ta mémoire nous incombe, ainsi que la façon de le réciter. فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ. Quand donc nous le récitons, suis sa récitation. ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهُ. À nous ensuite incombera son explication. كَلَّا بَلْ تُحِبُّونَ الْعَاجِلَةُ. Mais vous aimez plutôt la vie éphémère. وتذرون الآخرة. Et vous délaissez l'au-delà. وجوه يومئذ ناضرة. Ce jour-là, il y aura des visages resplendissants. إلى ربها ناظرة. Qui regarderont leur Seigneur. ووجوه يومئذ باسرة. Et il y aura ce jour-là des visages assombris. تَظُنُّ أَن يُفْعَلَ بِهَا فَاقِرَةٌ. Qui s'attendent à subir une catastrophe. كَلَّا إِذَا بَلَغَتِ التَّرَاقِي. Mais non, quand l'âme en arrive au clavicule. وَقِيلَ مَنْ رَاقَ. Et qu'on dit qui est exorciseur. وَظَنَّ أَنَّهُ الْفِرَاقُ. Et que l'agonisant est convaincu que c'est la séparation, la mort. وَالْتَفَّتِ السَّاقُ بِالسَّاقُ. Et que la jambe s'enlace à la jambe. إِلَى رَبِّكَ يَوْمَئِذٍ الْمَسَاقُ. C'est vers ton Seigneur ce jour-là que tu seras conduit. فَلَا صَدَّقَ وَلَا صَلَّى. Mais il n'a ni cru ni fait la salate.